Ok, donc là normalement on devrait déjà avoir commencé la discussion avec vous depuis une demi-heure, donc je vais être beaucoup plus rapide et je vais sauter plein de choses que j'avais prévu de vous raconter, mais pour aller je pense à la discussion qui mérite, parce qu'il y a plein de choses qui ont été présentées qui méritent ça. Donc là l'idée c'est de faire plutôt un éclairage statistique, que je qualifie de réflexif, sur les rémunérations dans la fonction publique et comment on va regarder ça au prisme du rapport annuel sur l'état de la fonction publique et de ses avatars. C'est-à-dire, en gros, ça a apparu en 1975, il y a eu le premier rapport, il s'appelait rapport annuel sur la fonction publique, je crois, et après il a changé plein de fois de nom, maintenant il s'appelle rapport annuel sur l'état de la fonction publique, et il est censé décrire tout un tas de choses sur les agents de la fonction publique. Donc, je ne reviendrai pas sur toutes les définitions. Ce qui me semblait important, alors comment ça marche? Tac, non, ça ne défile pas. Ah ouais, je vais peut-être prendre... comme ça, voilà. Important, c'était une petite chose qui me semble importante, c'est la seule équation que je vous mettrai aujourd'hui, donc c'était sur l'aspect quantification. Donc il y a une phase qu'on appellera une phase de convention, c'est-à-dire on va décider un petit peu ce qu'il y a derrière ce que l'on veut mesurer. Voilà. Et donc en gros, c'est l'étape qui va contribuer à exprimer et faire exister sous une forme numérique, par mise en œuvre de procédures conventionnelles, quelque chose qui auparavant était exprimé seulement par des mots et non par des nombres. Voilà. Donc je m'inspire souvent, enfin en tout cas c'est l'approche d'Alain Desrosières sur tous ces sujets, même si c'est pas le seul. Alors je ne vais pas rentrer dans la suite, mais ce qui me semblait important, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans la statistique, il y a à la fois un outil et un langage. Donc c'est un outil de preuve, ça c'est l'aspect scientifique qui est derrière tout ça. C'est un outil de gouvernement, voilà. Donc on produit de l'information pour piloter l'action, et c'est aussi un outil de légitimation. En gros, pour exister, il faut que je sois compté. Et ensuite, c'est un langage, dans le sens où il y a un langage que j'appelle en construction, c'est quand on est à la phase des conventions, c'est au moment où on décide un petit peu ce qu'on va mesurer. Et après, il y a le langage commun, donc ce qui serait plutôt la phase de routinisation pour le statisticien. Même si ce langage commun, il est des fois spécifique pour le statisticien. Par exemple, les statisticiens parlent toujours d'actifs occupés. L'actif occupé, on ne sait pas ce que c'est. Si je vous dis personne en emploi, c'est plus simple. Et pourquoi on parle d'actifs occupés? C'est parce que la population active, c'est les personnes qui sont en emploi et les personnes qui sont au chômage. Mais au chômage au sens du BIT. Il y a encore d'autres conventions. Donc il faut avoir tout ça en tête. Nous, des fois, on parle d'une chose qui nous semble commun, mais ce n'est pas si commun. Donc c'est toujours important de déconstruire un petit peu ces sujets-là. Ça, je n'en parle pas. Mais le dernier point qui me semble important, c'est le côté approche historique à trois dimensions. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à la statistique, il y a d'abord une histoire sociale. En gros, ça fait longtemps qu'on essaye de connaître notre population. Dans la Bible, il y a un machin qui s'appelle les nombres. Ça nous a compté les gens. Voilà. Donc, tout ce qui est société, économie, ça fait longtemps qu'on s'y intéresse. Il y a une histoire des sciences, parce qu'en fonction des outils statistiques que l'on va pouvoir utiliser, ça permet de faire des choses qu'on n'était pas en capacité de faire avant. Et puis, il y a aussi forcément une histoire des techniques, en particulier l'informatique, qui révolutionne un petit peu notre capacité à appréhender les choses d'un point de vue statistique. Voilà. Et évidemment, c'est les interactions entre toutes ces dimensions qui font la statistique. Pour finir sur ces aspects un peu réflexifs, ce qui me semble important, c'est que il y a une sorte de co-construction d'un triplet que j'appelle pensée, action, description. La première chose, c'est la façon dont on pense décrire notre société, voilà. La façon dont on va aussi agir sur la société, et tout ça interagit, voilà. Donc, pour vous donner des exemples, aujourd'hui, on serait plutôt dans un mode qui serait la théorie, ce serait le marché. Ça marche avec des incitations et des indicateurs. Ça a été bien évoqué par Élise juste avant. Voilà. Dans les années 45-70, qui correspondent à la période plutôt manifestement bénie pour les fonctionnaires, selon Émilien, on était plutôt dans la théorie, c'était Keynes, on faisait de la planification, et puis l'outil phare, c'était la comptabilité nationale. Voilà. Donc tout ça, évidemment, joue à chaque instant. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait au service statistique de la fonction publique? En tout cas, pour ce qui concerne les rémunérations. Donc, chaque année, il y a ce fameux rapport annuel sur l'état de la fonction publique. J'aurais dû en apporter un, on aurait fait circuler. Il est en accessible en ligne gratuitement, tu vois. Chaque année, on fait ce que j'appelle une étude annuelle sur les niveaux de rémunération. Donc, le niveau, ça va être souvent, ce qu'on va regarder, c'est les salaires moyens. Donc, de plein de façons, par âge, par sexe, etc. On a une deuxième vue qu'on appelle... sur l'évolution des rémunérations. Donc là, c'est bien, on va comparer souvent deux années, voilà, les deux dernières années sur lesquelles on travaille, même si on peut avoir une perspective un petit peu plus longue, mais pas aussi longue que certains souhaiteraient. Et puis après, il y a tout un tas de ce qu'on appelle de données complémentaires, voilà, parce qu'évidemment, on produit beaucoup, beaucoup d'informations et on n'est pas forcément en capacité de tout analyser, voilà. Mais en revanche, elles sont accessibles. Voilà. Donc ça, c'est la partie du rapport annuel. Chaque trimestre, on fait une publication sur l'indice de traitement brut grille indiciaire. Donc le sujet grille indiciaire a été bien évoqué par Emilien. Et alors là, on commence à restreindre le champ. Tout à l'heure, je parlais fonction publique. Là, je suis sur fonction publique d'État et agent civil hors contractuel. Voilà. Donc c'est bien. En gros, pour le dire vite, il n'y a pas les militaires, il n'y a pas tout un tas de gens qui sont concernés. Et là, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est les effets des mesures générales et catégorielles sur le traitement brut. Voilà. Donc les mesures générales, c'est j'augmente le point d'indice, par exemple, ou je vous donne plus de points d'indice. Les mesures catégorielles, c'est par exemple, quand il y a eu les accords de Ségur, il y a eu tout un tas de choses qui ont été faites pour les métiers, Ségur Santé, parce qu'on passe, c'est tout le temps Ségur, je sais pas pourquoi. Ségur Santé, c'était on augmentait certaines catégories de corps et aussi contractuels de côté hospitalière, par exemple, sur les aspects santé. Et puis, la dernière chose qu'on a mis en place depuis 2 ans, on regarde un petit peu plus près les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Et là, sur un public encore plus restreint, c'est les fonctionnaires des ministères. Voilà. Et là, l'idée, c'est de décomposer les écarts en 3 sujets. Ségrégation, c'est en gros, les hommes et les femmes ne travaillent pas dans les mêmes corps. Démographique, c'est on est plus ou moins avancé dans sa carrière, ou on a eu des promotions, ou pas. Et puis les effets, le reste, c'est un solde, c'est l'effet, ce qu'on appelle les effets primes, et donc c'est tout un tas de petites choses qui sont cachées derrière. Dans le rapport annuel donc sur l'état de la fonction publique, le dernier 2023, le prochain sortira en novembre si tout va bien. Donc on s'appuie sur une source pour ces sujets rémunération qui s'appelle le système sur les agents des services publics, SIASP, voilà, qui lui-même s'appuie maintenant sur la DSN, la déclaration sociale nominative. Donc ça a des incidences sur ce qu'on perçoit. La deuxième chose qui me semble importante, c'est de vous préciser le champ de tout ce qui a trait aux rémunérations dans ce rapport. Donc en gros, on fait France hors Mayotte, voilà. Y compris les bénéficiaires de contrats aidés, voilà, ce qui n'est pas la chose qu'on regarde quand on regarde l'emploi public, par exemple, et en équivalent temps plein mensualisé, j'en reviendrai sur ce que c'est l'équivalent temps plein juste un petit peu après, avec, on enlève les militaires, on enlève les assistants maternels et familiaux, on enlève les apprentis, on enlève les internes et les externes des hôpitaux publics. Voilà. Donc, tous ces gens-là sont hors de la statistique que l'on va produire. Et donc là, après, il y a des concepts. Donc celui sur lequel on va s'appuyer aujourd'hui, c'est le salaire en équivalent temps plein, donc en EQTP. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, on ne suit pas des gens, on suit des postes. Voilà. Et donc des postes qu'on appelle des postes principaux, c'est-à-dire des endroits où il y a suffisamment d'heures et suffisamment de rémunérations qui sont versées. Voilà. Et on va prendre en compte à la fois la quotité, donc est-ce que je suis à temps partiel ou pas, et la durée de travail, est-ce que j'ai été là toute l'année ou pas. Voilà. Donc ça permet de... à la fin, calculer des salaires moyens en EQTP, d'une certaine façon, c'est on va pondérer toute la rémunération qui a été versée par le poids relatif en termes de quotité et de temps de travail. Pour dire, par exemple, très simplement, je travaille à 50% 6 mois, ça veut dire qu'en fait, le poids de la rémunération que je vais toucher ne comptera que pour un quart. Voilà. OK, donc ça, c'est la partie EQTP. Ensuite, il y a un deuxième indicateur qui est assez important, qui fait écho justement à ce que disait Emilien sur les aspects. C'est une autre façon entre guillemets de regarder la masse salariale. C'est on va regarder les personnes qu'on appelle en place. Donc c'est quoi? On va s'intéresser à la rémunération des personnes en place, RMPP. Alors c'est quoi? Ça veut dire que là en fait, qui est compté? Des gens qui ne changent pas d'employeur et qui ne changent pas de quotité de travail pendant 2 années de suite. Et donc là, on regarde l'évolution de leur salaire. Et donc, de fait, s'il y a des histoires de changement d'échelon, ils vont augmenter, etc. Leur revenu va augmenter. Voilà. Il y a d'autres choses qui sont regardées potentiellement. Donc, il y a le salaire moyen par tête. Donc là, c'est plus une approche macro qui est surtout faite en comptabilité nationale. En gros, je regarde tout ce que j'ai versé et je divise par le nombre de personnes qui travaillent. Voilà. Donc ça me donne un salaire moyen par tête. Voilà. Et puis après, la question de l'évolution du pouvoir d'achat, en fait, là, on parle plutôt pouvoir d'achat du salaire, ce qui n'est pas la notion de pouvoir d'achat telle qu'on l'entend d'un point de vue aussi comptabilité nationale. Et en gros, ça veut dire quoi? Je vais déflater l'évolution de mon salaire de l'inflation. Voilà. Donc, soit je le fais a posteriori, soit je travaille en ce qu'on appelle en euro constant, c'est-à-dire que je fais en sorte que l'euro de 2022 soit équivalent à celui de 2021 en prenant en compte cette inflation. Mais c'est exactement la même chose, c'est de la déflation de l'effet prix. Alors, ça c'était pour faire croire que je savais faire une approche historique. Donc j'ai regardé ces rapports annuels de 1975 à 2023 et j'ai regardé un peu ce qui se passait pendant toutes ces années, comment regarder un peu ce sujet rémunération. Donc, au début, on était en 1975, c'était, on regardait les dépenses de personnel. Voilà. Et puis il y avait quand même, pour la FPE, mais seulement pour les ministères, la répartition indiciaire des agents publics. Voilà. C'est à peu près ce qui se passe jusqu'au début des années 80. Au début des années 80, on commence à regarder un petit peu plus de choses. On va regarder les salaires moyens par groupe social, statut et genre. Voilà. Et là, on s'intéresse seulement aux agents de la fonction publique d'État, titulaires et à temps complet. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui sont à temps partiel, on les en retire. Et ça dure pendant très très longtemps. Après, on va commencer à regarder des distributions de salaires. Les distributions de salaires, c'est pas seulement le salaire moyen, mais regarder aussi des fois... Alors ça peut être souvent ce qu'on met en avant, ça va être des déciles. Donc par exemple le premier décile c'est un seuil et ce seuil dit, je sais pas, ça peut être, imaginons que ce soit 1 500 €, voilà. Et tous ceux qui sont en dessous, eh bien c'est les 10% les plus mal payés. Et puis à l'inverse le 9e décile permet de savoir à partir de quelle rémunération je suis dans les 10% les mieux payés. Voilà. Ça c'est intéressant parce que toutes ces histoires de distribution, je vous invite des fois à regarder. On pense sûr qu'on est mal payé. Première chose à faire, aller regarder où on se situe dans la distribution. On a souvent une surprise. Surtout dans le monde de la recherche. Un autre chose aussi qui est important, c'est qu'il commence à avoir des comparaisons secteur public, secteur privé. Voilà. En 86, pour la première fois, on commence à s'intéresser à ce qu'on appelle le taux de, enfin en gros le taux de prime. C'est-à-dire en gros, quelle est ma part si j'additionne toutes les primes et indemnités que je touche, combien ça représente par rapport à mon traitement indiciaire brut. Voilà. Donc voilà, ça c'est le milieu des années 80. En 1993, on commence à s'intéresser donc au ce fameux RMPP, la rémunération moyenne des personnes en place, et sa décomposition. Voilà. Alors là, c'est plutôt une approche budgétaire, alors que nous on fait des choses différentes maintenant, mais c'est plutôt le budget qui fait ça et qui prend en compte les effets catégoriels, les effets individuels, etc. Voilà. Ensuite, faut attendre le milieu des années 2000 pour qu'il se passe quelque chose, c'est qu'on va étendre le champ à la fonction publique territoriale et au secteur hospitalier. Donc jusqu'à présent, on faisait surtout de la stat sur la fonction publique d'État. Voilà. Fin des années 2009-2010, on fait les fameuses vues. Donc on s'intéresse un petit peu plus. On va pas se contenter de publier des chiffres, on va les commenter. Voilà. 2012, c'est très important, c'est le passage à CIASP. Voilà. Et donc ça veut dire que là, on intègre les DOM, on commence à travailler en EQTP. On travaille avec la RMPP, avec la définition actuelle que je vous ai évoquée tout à l'heure. Même employeur, même quotité, 2 années de suite. En 2013, on va intégrer les établissements publics dans la fonction publique d'État. En 2015, on couvre le champ complet de la FPH. Donc ça veut dire qu'on prend plus seulement le secteur hospitalier, mais aussi les établissements sociaux et médico-sociaux. En 2019, apparaît un petit encadré sur les hautes rémunérations. Et enfin, 2020, on est dans le statut à peu près actuel. On a notre vue niveau, on a notre vue évolution, et on commence à parler du SMPT, là, le salaire mensuel par tête des administrations publiques, pour avoir des éléments prospectifs. Parce qu'effectivement, il y a un petit défaut, c'est que CIASP, aujourd'hui, je vais sortir donc mon rapport 2024, mais je vous parlerai de 2022. Et puis, on est passé effectivement en 2021 on a mis sur Internet tout ce qui était avant des fiches thématiques. Voilà. Donc, histoire d'illustrer, alors sur un temps beaucoup plus court, sur le temps CIASP, des choses sur les rémunérations. Donc, première chose, donc là, c'est pourquoi est-ce que nous, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des comparaisons interversants et des comparaisons avec le secteur privé. Donc là, c'est le secteur moyen, net, en euros constants. C'est en indice, donc ça veut dire que je prends le salaire moyen en euros constants en 2009 et je regarde son évolution sur la période 2009-2021. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Globalement, ça dit un peu ce qui a été dit précédemment. C'est un espèce d'encéphalogramme plat, en particulier pour la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière, avec même un petit déclin en fin de période, avec l'arrivée de la forte inflation. Et la FPH a une évolution assez différente, plus proche du secteur privé, avec une forte augmentation, justement, avec la crise Covid, le Ségur qui fait augmenter les rémunérations dans la fonction publique hospitalière. Donc ça, c'est le salaire moyen. Donc là, en gros, ça veut dire que j'agrège, il y a des gros effets de composition, en particulier ce qu'on appelle l'effet de Noria, c'est que les gens qui sortent sont en général mieux payés que les gens qui arrivent. Voilà. Pour plein de bonnes et mauvaises raisons. Ça, c'est salaire moyen. Après, on regarde en RMPP. Donc là, c'est des gens qui sont là les deux années de suite. Donc là, on voit que c'est un petit peu plus profitable. Il y a des évolutions, d'évolution plus claires. Et là, le résultat le plus flagrant, donc c'est plutôt qu'il y a une sorte de décrochage qui se fait sur cette période entre les évolutions de la RMPP dans le secteur privé et du côté de la fonction publique. Avec, pareil, on voit bien aussi quand même à la fin, du côté de la fonction publique hospitalière, cette remontée liée aux accords de Ségur. Donc ça, c'est le premier type d'illustration sur des gros données macro. Alors, on peut, quand on parlait toujours, est-ce qu'on est mal payé, est-ce qu'on est moins bien payé que dans le secteur privé? Alors celle-là, elle doit être assez illisible, mais je vous invite à aller lire le rapport pour mieux comprendre c'est quoi. Là, en fait, on fait des sortes de box plots ou des boîtes à moustaches, c'est la traduction. Donc c'est quoi? C'est je vous mets le premier décile, le neuvième décile, le premier quartile, le troisième quartile, la médiane. Donc ça donne un peu une idée de la distribution des salaires. Et ce que je regarde, c'est je compare par versant et croisé avec le groupe social. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que globalement, finalement, si on regarde par groupe social, dans la fonction publique, on est à peu près comparable avec le secteur privé, et même des fois mieux. Donc les employés ouvriers sont en général mieux payés dans la fonction publique que dans le secteur privé, et que c'est plutôt que chez les cadres qu'il y a des écarts de rémunération, sauf quand on est dans la fonction publique hospitalière. Donc cette magnifique petite, je mets un petit truc dessus là, le orange là, bah en fait c'est les médecins. Voilà. Donc eux, ils gagnent bien leur vie. Et d'ailleurs, il y avait eu une publication de l'INSEE qui était sortie il y a 3-4 ans sur on regardait le dernier centile des rémunérations dans la fonction publique et c'était composé essentiellement de praticiens hospitaliers, professeurs des universités. Voilà. Dernière façon de regarder les salaires, donc là c'est plus en distribution. Donc on regarde la distribution des rémunérations par versant et par comparaison secteur public secteur privé. Et là une nouvelle fois, c'est une autre façon de voir les choses. Ce qu'on voit, c'est que globalement, à part dans la fonction publique territoriale, mais qui est composée d'énormément d'agents de catégorie C, les trois quarts sont des agents de catégorie C, donc moins bien rémunérés. Globalement, pour l'hospitalière et l'État, on est plutôt mieux payé en termes de distribution que dans le secteur privé, sauf quand on arrive dans le haut de la distribution. Et si on pouvait détailler encore plus à la fin, on verrait que les écarts se creuseraient. Celui-là, je vais aller très très vite, mais c'était par rapport à la... Donc ça, c'est le fameux indice traitement brut grille indiciaire qui permet justement de voir un petit peu les effets des points d'indice. Donc là, c'est points d'indice et aussi tous les effets des mesures catégorielles qui sont importantes. Et en gros, ce qu'on voit quand même globalement, c'est que la courbe violette, celle qui intéresse les agents de la fonction publique, elle est en dessous de la courbe de l'inflation. Voilà. Donc ça veut dire que effectivement, si on s'intéressait seulement à cet indicateur pour regarder les rémunérations, on aurait un sentiment de perte d'achat, de perte de pouvoir d'achat, pardon. Et voilà. Et donc effectivement, ça a du sens. Alors après, l'idée c'était de regarder un petit peu les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, et donc de regarder surtout les effets, les différents effets, quoi. Voilà. Donc là, au début, vous avez l'écart brut en bleu, voilà, qui dit c'est quoi l'écart entre les hommes et les femmes. Avec trois années, 2013, 2018 et 2021, si j'arrive à bien lire, mais je vois pas très bien. Bon, peu importe, parce que j'ai un beau soleil. Ensuite, c'est en prenant, j'enlève l'effet temps partiel. Donc la deuxième écart, c'est lié en retirant l'effet temps partiel. Voilà. Et puis le tout dernier écart, c'est j'ai enlevé tous les effets ségrégation et démographique, et c'est le seul effet prime. Voilà. Donc on voit que finalement, c'est vraiment des effets de composition entre guillemets et démographique qui pourraient expliquer les écarts de salaire entre les hommes et les femmes dans la fonction publique. Voilà. Donc ça voudrait dire que c'est pas si pire, mais en fait dans l'effet démographique se cache quand même des choses. Se cache le fait qu'il y a des promotions plus ou moins rapides selon le genre. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et puis l'autre point qui va en tête, c'est pareil. L'effet ségrégation. Pourquoi je me retrouve dans des métiers moins bien rémunérés? Ça, c'est aussi toute une construction. Alors, c'est pas la fonction publique, entre guillemets, qui en est responsable. Mais en tout cas, c'est tout ce qui fait que j'arrive dans des métiers moins bien rémunérés. Là, c'était pour le mettre avec un tableau un petit peu plus détaillé, mais bon, comme j'ai bien envie qu'on discute, je le passe. Alors là, ce que je trouvais intéressant dans ce tableau, c'était de regarder un petit peu. Donc là, c'est ce qu'on appelle la part des primes. Donc là, pour le coup, je sais pas si c'est hyper lisible, mais l'idée, c'est des données qui sont accessibles. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez aller les regarder. Ça permet de voir justement que selon les corps, on ne touche pas la même part de primes dans sa rémunération. Et donc typiquement, a été évoqué le cas des professeurs des écoles et des professeurs certifiés dont on voyait plutôt une perte de pouvoir d'achat. Donc effectivement, ça veut dire que eux, ils ont été seulement, enfin en gros, comme ils ont 10% de prime, et encore, c'est des histoires d'heures supplémentaires, et c'est très genré, c'est assez étonnant. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une perte de pouvoir d'achat. Après, ce qu'il faut réfléchir, c'est si certains économistes vont vous dire, attention, il faut réfléchir en revenu permanent. Quand ils passent à la retraite, finalement, ils touchent quasiment ce qu'ils touchaient avant. Alors que le pauvre cadre qui avait beaucoup de primes, lui, il va avoir une sacrée perte de pouvoir d'achat au moment où il passe à la retraite. Bon, mais voilà. En tout cas, c'était des choses qui ont des fois été mises dans les discussions et qui expliquaient pourquoi je vous revalorise pas trop votre salaire. C'est parce qu'en revenu permanent, vous allez voir, vous allez y gagner. Et avec la nouvelle réforme, il y avait un moment des choses qui faisaient que non seulement vous y perdez pendant le temps où vous êtes rémunéré, et en plus le temps où vous avez touché votre pension. Voilà. Donc en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des fortes disparités selon les corps en termes de taux de prime, et qu'évidemment que plus on monte dans la hiérarchie, donc les cadres A+, ce qu'on appelle les A+, de la fonction publique, sont encore avec des taux de prime encore plus importants. Voilà. Alors ça me semblait intéressant de le mettre aussi, c'était puisqu'on parle de bien ou mal payé, voilà. Quelle est la position des agents publics par rapport à est-ce que je suis bien ou mal payé? Finalement, il y a un petit peu plus de gens qui se considèrent mal payés, alors mal ou très mal payés dans la fonction publique. Ce qu'on voyait, c'est que donc ça s'appuie sur l'enquête conditions de travail de la DARES. Il y en a une en 2019, mais globalement c'est stable sur les trois années. Donc il y a à peu près 40% des gens qui se considèrent qu'ils sont mal ou très mal payés. 40% qui considèrent qu'ils sont normalement payés, et puis il reste à peu près 20% qui disent qu'ils sont bien ou très bien payés. Voilà. Et c'est à peu près stable, et quand on compare avec le privé, ce qu'on voit, c'est que dans le privé, il y a un peu plus de gens qui sont très bien payés et un peu moins qui se sentent très mal payés, mais sinon le milieu, je me sens normalement payé, à peu près équivalent. Voilà. Alors, le dernier point, que c'était sur l'histoire de la RMPP et sa décomposition. Donc en gros, je trouvais ça, c'était assez intéressant, parce que quand on regardait, donc là c'est par catégorie, c'est sur l'année, on compare l'année 2020 à 2021, et en fait, qu'est-ce qu'on voit? Donc vous avez l'effet prime, en gros, quelle est la part de l'évolution des primes entre ces deux années qui font que mon salaire a augmenté, la contribution liée au traitement indiciaire, bon bah entre 2020 et 2021, c'était pas passé grand-chose, donc ça bougeait pas trop, et puis après tout ce qui était ce qu'on pourrait appeler c'est l'individuel, un peu l'effet le GVT GVT positif, quoi. Voilà. Donc là on voit que en 2021, il y a eu un gros effet prime. Alors, dernier point qui me semblait important, je sais pas, pour dire un petit peu comment ça fonctionne, comment on travaille, comment on construit notre programme statistique. Donc il y a, je dirais, deux instances qui décident un peu de ça, le Conseil commun de la fonction publique. Donc il y a à la fois une instance consultative, enfin je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde doit bien connaître ça, mais l'idée qui est importante, c'est qu'il y a une formation spécialisée où on discute vraiment de ce qu'on fait en termes de produits statistiques sur tout ce qui est emploi, retraite, rémunération et pension, etc., mais des sujets même plus larges sur tout ce qui est conditions de travail. Et puis il y a, de mon côté, plus service statistique ministériel, le Conseil national de l'information statistique, qui lui est là pour concerter les producteurs et les utilisateurs. Voilà. Et donc c'est là qu'on discute du programme de travail d'enquête statistique en lien avec les besoins des acteurs qui sont aussi des chercheurs, mais pas que, des organisations syndicales, des syndicats professionnels, etc. Donc ça me donne un peu le cadre de sujets qu'il faudrait essayer d'appréhender. Et puis après, il y a les sources. Donc vous avez vu qu'il y a une forte capacité à faire selon qu'on dispose d'informations effectivement fiables. Et puis après, il y a des personnes derrière. C'est-à-dire que on n'est pas énormément pour faire le rapport annuel. Il y a à peu près 10 personnes qui travaillent à temps plein. Et pas que, ils font plein d'autres choses. Mais donc, on n'a pas forcément beaucoup de capacité d'investissement pour travailler des sujets. Donc, c'est ça qui est toujours un petit peu tendu. Voilà. Et bon, pour en savoir plus, le premier lien, parce que j'imagine qu'on doit pouvoir envoyer les diaporamas à tous ceux qui sont venus ici, voilà, c'est le lien vers notre site. Le deuxième, c'est pour s'abonner à nos publications, je vous invite à le faire, ça vous donnera des informations. Il y a peut-être un petit truc qui vaut le coup de regarder, c'était celui-là, parce que ça doit être cliquable, tac, c'est l'INSEE a mis en place un outil de data visualisation qui permet justement, alors, de se comparer, parce qu'on parlait de se comparer, Et puis de regarder un peu, on peut explorer un peu tous les salaires de la fonction publique, ce qu'on, enfin, donc c'est pas mal foutu leur truc, donc vous aurez le lien. Et puis j'avais mis aussi, parce que Émilien se plaignait qu'on pouvait pas remonter trop loin dans les séries sur les indices, il y en avait un autre qui était, il y a quelqu'un qui s'est amusé à remonter alors aux années 60. On va autoriser l'accès à ce site, et je trouve que c'est assez intéressant. Donc lui, il permet de comparer. Voilà, mince, je suis allé trop vite. Il permet de regarder l'inflation et alors je vais faire comme ça, voilà. Donc ça, vous avez depuis le début. Alors là, j'ai fait 90, c'était pour. Mais en fait, si on veut, on peut remonter à 1964, je crois. Alors allons-y direct. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit ? C'est intéressant. Ça raconte un peu ce qui a été dit. C'était donc le bleu, c'est la valeur du point d'indice. Le rouge, c'est la valeur du point d'indice s'il avait suivi l'inflation. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, effectivement, au début, on était plutôt avec une augmentation plus forte du point d'indice que de l'inflation. Donc, ça, c'est dans les années 60, etc. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, donc j'aimerais bien essayer d'avoir le... Voilà, on voit un petit peu l'échelle du temps. Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, le moment où ça se croise, c'est là, quoi. Voilà. Donc, si on compare, là, l'idée, c'est de se dire, je suis parti des années 60... Je regarde un peu comment ça a augmenté. Donc, le croisement se fait finalement assez tardivement. Ça veut dire qu'avant, quand même, globalement, les fonctionnaires avaient plutôt été mieux traités que l'inflation, entre guillemets. Et que depuis le début des années 2010, il y a une sorte d'inversion. C'est-à-dire que ça y est, l'inflation a pris le pas sur la valeur du point d'indice. Voilà, j'en dis pas plus pour vous laisser plein de temps pour la discussion.